Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Au cahier du cinéma, Jacques Rivette a signé des articles importants. Génie de Hawks, Lettres sur Rossellini, L'âge des metteurs en scène. Et en 61, De l'abjection à propos de Capot, le film de Pontecorvo avec Emmanuel Riva. Une phrase en est restée fameuse. Voyez cependant dans Capot le plan où Riva se suicide en se jetant sur les barbelés électrifiés. L'homme qui décide à ce moment de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d'inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n'a droit qu'au plus profond mépris. Serge Danet a su écrire combien la lecture de ce texte avait compté pour lui. Au fil des années, en effet, le travelling de Capot fut mon dogme portatif, l'axiome qui ne se discutait pas, le point limite de tout débat. Avec quiconque ne ressentirait pas immédiatement l'abjection du travelling de Capot, je n'aurais définitivement rien à voir, rien à partager. Mais avec Rivette, qu'il interrogeait dans Jacques Rivette le Veilleur, le documentaire de Claire Denis, le critique Danet partageait indiscutablement quelque chose. En 1982, Jacques Rivette était l'invité du cinéma des cinéastes pour le Pont du Nord. Après une passe difficile, d'échecs et de projets avortés, le bon accueil critique du film devait remettre Rivette sur les rails. Un cinéma des cinéastes tout aussi intéressant pour les questions auxquelles Rivette répond que pour celles auxquelles il refuse de répondre. Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts, ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir, avoir du goût. Il a déjà été question du Pont du Nord au cinéma des cinéastes. Vous vous souvenez sans doute que Suzanne Schiffman était venue nous parler du film il y a 3 semaines. Et nous nous étions promis à ce moment-là d'en parler évidemment avec Jacques Rivette, d'autant Jacques Rivette que c'est la première fois que nous avons la chance de pouvoir parler avec vous au cinéma des cinéastes, si bien que ça me donne un peu envie d'envisager à la fois le film, bien entendu, puisque c'est votre dernier, que c'est celui qu'on peut voir actuellement, mais aussi un peu votre histoire avec le cinéma, en commençant par une question extrêmement simple. Pourquoi continuez-vous à aller autant au cinéma? D'abord, est-ce que vous-même vous vous posez la question? Non, c'est pas une question que je me pose, c'est... Mais vous continuez à y aller beaucoup. Oui, moins qu'il y a 30 ans. Disons qu'il y a 30 ans, c'était dans les années 50, la moyenne était de 3 films par jour. Enfin, c'était d'ailleurs la même moyenne pour François ou Jean-Luc, je crois. Dans les années 60, c'est tombé à 2 films par jour. Et maintenant, disons que c'est 5 ou 6 films par semaine. Vous voyez que je vieillis. Je suis sur une très mauvaise pente. Bon, alors, moi, j'ai peut-être un commencement de réponse en fonction de vos films. Et qui est peut-être que... si je pense à vos films, si je pense à Paris nous appartient, si je pense à L'amour fou, si je pense à Antoine et si je pense au Pont du Nord... Il me semble que ces films accompagnent l'histoire contemporaine, mais complètement à leur façon. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la fiction de ces films et l'histoire qu'ils traversent, que vous avez traversé, vous, en tant que personne de votre génération, et qu'il semblerait que, peut-être qu'en allant au cinéma, c'est aussi un peu de cette histoire qui vous apparaît, qui vous survient. Parce que je crois qu'un historien, pour prendre l'affaire par un tout autre bout, si un historien allait au cinéma de nos jours avec la même intensité que vous, peut-être qu'il saurait des choses sur l'époque qu'il est en train de traverser. Je ne crois pas qu'on puisse avoir un point de vue historique contemporain sur les films. C'est 50 ans après que les films deviennent historiques, et ils le deviennent tous. D'ailleurs, maintenant, on le sait, que tous les films témoignent de leur époque, et même très souvent, les films qui reflètent le plus l'époque à laquelle ils ont été tournés sont souvent des films qui étaient totalement décalés de cette époque. Quand on voit Intolérance maintenant, c'est un film de 1915. Quand on voit La Marseillaise de Jean Renoir, c'est effectivement un film sur le début de la Révolution française, mais c'est aussi un film sur le Front populaire. Ce que je dis là, ce sont des lieux communs. En dépit de ce que je viens de dire, j'ai quand même, de temps en temps, en effet, la tentation de faire un film qui essaye d'être un reflet déformé, bien sûr, de l'époque dans laquelle je vis. Ça a été le cas de Paris nous appartient. En grande partie, d'ailleurs, c'était l'influence de Rossellini qui a été pour nous tous déterminante. Et avant le scénario de Paris nous appartient, j'avais écrit un ou deux autres scénarios qui, heureusement, n'ont jamais été tournés. Et brusquement, bon, il y a eu Budapest fin 56 et un certain nombre d'autres événements. Et j'ai eu envie de faire un film où on parlerait de ça. On n'en parlerait pas directement, on en parlerait indirectement, puisque finalement, il y a juste une vague allusion à Budapest dans Paris nous appartient, à l'arrivée. C'est votre voix, on entend votre voix disant... C'est ma voix pour des raisons purement pratiques, puisque le film était tourné en muet, et donc tout était doublé après, et quand j'ai doublé le film, je me suis amusé à doubler le comédien qui faisait le hongrois. Bon. Et puis, 10 ans après, Paris nous appartient, j'ai eu envie de faire une sorte de critique de Paris nous appartient, et en même temps, d'un bilan, 2 ans plus tard, de faire un bilan de l'après-mai 68, et ça a été à août, qui était surtout dans mon esprit une sorte de critique ironique de Paris nous appartient, c'est-à-dire que le thème de l'organisation et du complot qui a été pris très au sérieux, Dieu sait, dans Paris nous appartient, dans à août, est pris au contraire avec, je l'espère, plus de recul et en plus dans une optique complètement différente, puisqu'il s'agit d'une organisation non pas de méchants, mais au contraire une organisation utopique, et qui en plus d'ailleurs n'a sans doute jamais existé que dans les conversations de quelques personnes. Et puis donc, il y a 2 ans, en parlant avec Bull, on avait de nouveau envie de faire un film ensemble, et on s'est dit, bon ben voilà... fin des années 50, Paris nous appartient, fin des années 60 à août, bon, bah, si on faisait un film sur la fin des années 70, qui serait le troisième, si j'ose dire, de ma petite chronique tous les 10 ans de la vie contemporaine, à travers quelques personnages qui parlent d'autre chose, enfin qui ne parlent jamais directement de, ou très peu. Non, justement, alors, il y a tout de même quelque chose. Dans les années précédentes. Il y a tout de même quelque chose, Jacques Rivette, là, qui semble vous appartenir, c'est le refus de ce que vous appelez d'en parler directement. Je me rappelle d'un article de vous qui nous a beaucoup influencés tous, et qui était l'article sur le film qui s'appelait De l'abjection, qui était sur un film de Pontecorvo, où il semblait bien que. Sur Capot. C'est ça. Il semblait bien qu'il y ait de votre part quelque chose qui soit, enfin, comme critique, mais alors aussi probablement comme cinéaste. Un refus de ce qu'on appellerait... C'est pas un refus, c'est plutôt une peur, c'est plutôt une sorte de timidité, parce que il y a des exemples de ce qu'on appelle les grands sujets historiques traités directement, comme on a cité tout à l'heure Intolérance et La Marseillaise, il y en a d'autres, il y a les grands films d'Eisenstein, il y a... Mais d'une part, on peut remarquer en effet que c'est plutôt des films qui sont soit du muet, soit du début du parlant, des films d'avant les années 40. Et que, à une époque où également l'adaptation des classiques, par exemple, était quelque chose qui donnait encore des très bons résultats, alors que depuis 30 ans, les résultats étaient dans l'ensemble déplorables. Je crois que tout ça, c'est dû au fait que le cinéma est sorti, même si on peut le déplorer, de son âge, non seulement de son âge enfantin, mais même de son âge classique, et que tant bien que mal, il est rentré lui aussi dans la modernité. Et que, à partir du moment où on est rentré dans la modernité, on ne peut plus, j'en ai l'impression, j'en ai peur, on ne peut plus ni traiter directement les grands sujets classiques, ni les grands sujets historiques, ni tous ces grands sujets avec des majuscules. Ou on ne peut le faire que par des diagonales, par des parenthèses, par des miroirs. Oui, alors, tout ce que je dis, bien sûr, c'est sans doute lié à ma peur et à ma timidité. Demain arrivera. Il y a de temps en temps, brusquement, un cinéaste qui arrive et qui prend les grands sujets et qui les traite de nouveau comme Rossellini. Là, je pense à un exemple. On a un exemple très récent, c'est le film d'Elma Sanders, Allemagne, mère blafarde, qui, brusquement, est un film où l'Allemagne, pendant la guerre, subit pour le spectateur de façon comme on ne l'avait pas vu depuis Rossellini, justement, mais encore une fois par le biais biographique et non pas en montrant les grands personnages. Enfin, vous n'êtes pas allemand, vous n'êtes pas fils de. vous n'avez pas cette ascendance du nazisme allemand, vous n'êtes pas Rossellini dans les ruines de Rome en 1946, vous étiez un tout jeune homme. Donc, il y avait quand même. Plus de 10 ans au moment de l'occupation, enfin je vais dire, l'occupation et les bombardements et l'exode, c'est déjà plus des souvenirs d'enfance, c'est des choses qui, pour notre génération, enfin pour Jean-Luc et François, c'est des choses qui nous ont quand même beaucoup marqué. On sortait de l'enfance justement à ce moment-là et je crois que c'est l'âge où ces impressions-là sont très fortes. Bon, c'est une question qui m'intéresse alors là beaucoup, parce que j'ai vraiment pas de réponse. C'est comment se fait-il que ni Jean-Luc Godard, ni François Truffaut, ni vous n'ayez eu... je parle de l'école des cahiers, puisque d'une certaine façon, on peut dire qu'elle a existé, ne serait-ce que par vos 1000 conversations. Ah, ouais. Juste même encore, d'une certaine façon. Oui, je crois... Même, bon. Je trouve qu'elle a repris du poil de la bête. Bon, alors parlons-en. Non, mais vous posiez une autre question. Non, mais en fait, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est que... au cahier du cinéma, il y avait une méfiance à l'égard des grands sujets, puisqu'il y a même un article de Chabrol sur les petits sujets, oui, oui. Hein, d'une part, et d'autre part, il y avait une méfiance vis-à-vis d'un cinéma social ou de gauche ou engagé ou impudique dans le sens de Capot. Capot, c'était pas du tout parce que c'était engagé que je détestais ce film, c'est parce qu'il était mauvais, hein, point c'est tout. Ce qui était pornographique. Là, c'était l'exemple limite, mais il se trouve que même Godard, dans sa période d'hyper-engagement chinois, n'a pas fait de film du type « Voilà ce qu'est la vie contemporaine, j'ai une opinion là-dessus, voilà ce film ». En fait, si on regarde ici ailleurs... Il a fait Le Petit Soldat, par exemple. Oui, mais c'est aussi un film qui est... D'une certaine façon, c'est le film le plus juste. Le Petit Soldat, La Chinoise sont quand même des films où Godard parle de la vie contemporaine de façon très directe. Très directe, mais avec une lettre, enfin, pour celui qui le regarde, qui renvoie le spectateur à des incertitudes, disons. Malheureusement. Heureusement, Costa Gavras n'a jamais fait partie de l'école des cahiers, que je sache. En reprenant la question autrement, vous dites, ce qui est quand même un événement, l'école des cahiers reprend du poil de la bête. Je voudrais savoir pourquoi. Vous dites ça aujourd'hui. Pourquoi, j'en sais rien. C'est une constatation qu'on peut faire, dont pas du tout, je ne parle pas du tout là, de mes derniers films. Mais ce qui est frappant, c'est le retour de Jean-Luc au cinéma, non pas tel qu'il le faisait il y a 15 ans, mais quand même dans cette continuité. C'est le fait que Romer, avec La Femme de l'aviateur, et je suppose avec son nouveau film qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on verra bientôt, renoue avec l'inspiration et l'esprit des contes moraux. C'est que même les derniers films de François, je les trouve plus proches également de ses premiers films que de ceux qu'il faisait au début des années 70. C'est certain qu'il y a une espèce de... Il y a eu... Bon, je pense que c'est provisoire et transitoire. On a eu tous, plus ou moins, envie de revenir sur nos pas d'il y a 20 ans. de retrouver le sol, enfin de retrouver la terre ferme après avoir un peu erré, vagabondé à gauche à droite, Jean-Luc de façon spectaculaire avec le groupe Ziga Vertov et Romer avec ses essais comme la marquise d'O Perceval et moi avec des films un peu plus bizarres et qui ont déconcerté certaines personnes comme Duel et Norwa et Merry-Go-Round. Pour en venir au Pont du Nord, donc fatalement à Outouane et à Paris nous appartient. Il semblerait quand même que peut-être que si vous prenez la piste indirecte, c'est peut-être aussi pour capter quelque chose de c'est peut-être au fond plus enfin, en tout cas tel que quand on voit les films et quand on pense à Paris nous appartient, parce que là on commence à avoir quand même un très bon décalage par rapport à Paris nous appartient. C'est que beaucoup plus que des fêtes politiques des fêtes au sens FAIT de l'époque, il s'agit de quelque chose qui est de l'ordre de la sensibilité. Il semblerait que vous ayez complètement capté une inquiétude, une angoisse, une en même temps ça une résolution. Ça a été le point de départ en tout cas. Je ne sais pas du tout si on est arrivé à le mettre sur la pellicule. Ça, c'est des choses que soi-même on ne peut pas savoir. Mais tant pour Paris nous appartient que pour le Pont du Nord, le point de départ, ça a été un sentiment très fort dans les deux cas pour moi de même pas d'angoisse, c'est un mot trop fort, de blocage, d'incertitude que je sentais, moi, mais que j'avais l'impression de sentir autour de moi. Et dans les deux cas, j'ai essayé d'avoir une fiction plus ou moins simple qui donne ce sentiment-là. La fiction étant vraiment un médium, étant un prétexte, c'est toujours plus que ça, bien sûr. Mais le point de départ était vraiment ce sentiment-là. Et ça a été vraiment la première chose quand j'ai été voir Bull il y a 2 ans, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on a commencé à évoquer un éventuel nouveau film qu'on essaierait de faire ensemble. Je lui ai dit, je ne sais pas du tout ce qu'on va raconter comme histoire, ce que sera ton personnage, etc. Mais j'aurais envie de faire un film qui soit sur ce sentiment de blocage que je sens en ce moment, qui était dû en plus au fait qu'on était un an avant les présidentielles et qu'à cette époque-là, moi comme d'ailleurs 99% des Français, j'étais persuadé qu'on allait reprendre pour 7 ans de notre ancien président. Et donc, quand on l'a tourné, toujours de la même façon, c'est seulement en cours de montage qu'on a commencé à sentir le vent tourner. Et encore, personne n'en était sûr jusqu'au 10 mai. Et donc, il y a plusieurs scènes dans le Pont du Nord qui sont effectivement maintenant un peu décalées. Il y en a une qui a été franchement, effectivement, tournée pour être vue dans le cadre d'un deuxième septennat giscardien. C'est la scène des coupures de presse. Je ne l'ai pas supprimée parce qu'on a changé de président de la République. Je l'ai laissée, puisque de toute façon, le film se passe en octobre 80. C'est marqué au début et on l'a tourné en octobre et novembre 80. Et puis, voilà. Il est certain que la scène s'est modifiée maintenant. Elle s'est modifiée, mais elle n'a pas perdu de son acuité. Je l'espère. De toute façon, pour moi, elle était indispensable et je tenais à ce qu'elle dure, à ce que ce soit pas seulement qu'on montre pas seulement 3 vagues coupures de presse sur Debreuil et Boulin et Fontanet, mais qu'il y ait justement répétition, accumulation, lassitude, qu'on ait en feuilletant ces coupures de presse pendant 3 minutes le même sentiment de lassitude qu'on a pu avoir pendant les mois et les mois où ça a traîné dans les journaux, et pareil encore au procès de Breuil l'année dernière. Dans ce blocage que vous décrivez, apparemment, Paris joue aussi un rôle important. C'est même, pour moi, un des personnages du film, à part entière, comme les autres. Et c'est un Paris celui que vous montrez, c'est un Paris qui se détruit, qui se défait, qu'on ne voit plus, qui disparaît. Oui, c'est d'abord pour des raisons pratiques, parce que il est bien évident qu'on ne pouvait pas faire un film de 2 heures à partir du moment où on avait pris le parti de tout tourner en extérieur, dans Paris. On ne pouvait pas tourner pendant 2 heures dans des endroits dans le centre de la ville, parce qu'on aurait eu tout du long le bruit de la circulation, les voitures. Bon, moi, c'est quelque chose qui ne me fait pas peur du tout. J'aime bien prendre du son direct dans les rues et avoir... on l'a déjà fait dans Out, dans L'Amour Fou et dans d'autres films, avoir comme ça des conversations qu'on entend plus ou moins bien au milieu des bruits de voiture, mais on ne peut pas avoir ça pendant 2 heures. Enfin, je n'avais pas quand même envie de faire... Strobe, dans son Retour, a imposé également la bruit de la circulation au début du film, et puis après, on va quand même dans des jardins et des endroits un peu plus dégagés. Et là, on a très vite eu envie d'avoir un itinéraire qui partait donc des endroits comme ça connus, les toiles d'Enfer Rochereau, ce genre d'endroit où il y a beaucoup de monde, et d'aller peu à peu vers les quartiers périphériques moins connus et en même temps plus tranquilles et plus calmes. Et c'est aussi une raison pratique. Et l'autre raison, c'est qu'il y a certains de ces endroits que j'ai découverts moi-même ou redécouverts pendant les quelques semaines qui précédaient le tournage du film. On sait quand même, avec Suzanne Schiffman et Pierre Vallon, l'autre assistant, un peu baladé tous les matins. On se baladait tous les matins même, et puis l'après-midi, on parlait avec Bull et Pascal sur notre sujet. Et que, bon, il y a des endroits que finalement j'avais pas mis les pieds depuis des années, comme la Villette, où j'étais jamais allé, comme Bercy et Vaugirard. Et c'est évident que c'est des endroits où j'ai tout de suite eu envie de tourner. Surtout que certains étaient déjà en cours de démolition, comme Vaugirard et la Villette. D'autres, on savait qu'ils étaient menacés dans un délai très proche, comme Bercy. Et c'est devenu très vite, donc, effectivement, un autre sujet du film. Oui, alors à ce propos, je voudrais vous poser deux questions, parce qu'il se trouve que j'ai vu le film 2 fois, dont une fois en entrant au milieu. Enfin, je suis arrivé en retard à une projection bêtement, et donc j'ai vu une certaine façon de filmer Paris, et donc en revoyant le film, en le voyant cette fois à partir du début et très attentivement, je me suis aperçu qu'il y avait dans le style du début, dans la façon de tourner du début, le vélo moteur, il y avait un sens de l'effet, par exemple, enfin, qui nous introduisait. Il y a dans le style du début quelque chose d'un peu différent, enfin de ce qui, par rapport à ce qui va suivre. Est-ce que c'est une chose dont vous êtes aperçu, ou bien c'est une chose que vous avez voulu? Il y a plus d'effet, disons. Tout le début du film, il y avait le problème. Bon, d'une part, il y a le fait que le film est tourné pas complètement chronologiquement, mais quand même en gros chronologiquement. Donc, comme toujours, les 8 premiers jours, on cherche, ça arrive souvent, enfin, il y a des films où on trouve d'emblée, dès le premier jour, le ton du tournage, comme ça, c'est très agréable, comme ça m'est arrivé pour L'Amour Fou ou pour Norrois. Il y en a d'autres, au contraire, on tâtonne pendant 8 jours, même parfois jusqu'à la fin, avant de savoir quel va être le ton du film. Là, c'est certain qu'on a un peu tâtonné dans les 2 premières semaines de tournage, où en plus, on a eu beaucoup de problèmes matériels de tous ordres, c'est pas la peine de raconter ici, et qu'on s'est plus installé dans le ton du tournage dans les 2 dernières semaines, ce qui correspond en gros à la deuxième moitié du film. Et l'autre chose qui peut effectivement expliquer ça, c'est que tout le début du film, il se passe narrativement très peu de choses. C'est pratiquement purement la description de ces 2 personnages qui d'abord sont séparés, qui se rencontrent plusieurs fois. Et c'est d'ailleurs un problème que je me suis posé très vite, et puis j'ai choisi, comme la construction du film pour moi me semblait évidente de cette façon-là, mais je savais en même temps qu'on avait ce problème, qu'on arrivait réellement sur à la matière dramatique du film que presque à la moitié de la narration. On a une première moitié qui est totalement présentation de personnages et zigzag dans un certain nombre de directions sans savoir laquelle va finalement être celle que va prendre la fiction. Et donc, oui, c'est pas mal, mais simplement, on a toujours un peu peur dans ces cas-là que les spectateurs s'ennuient et aient envie de sortir et décrochent et se disent qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça va commencer, ce qui est d'ailleurs de toute façon la réaction d'un certain nombre de personnes. Et j'ai peut-être eu donc, pour compenser ça, la tentation, tant au tournage qu'au montage, de faire un peu plus d'effet de... pas tellement de montage et de son que dans la deuxième moitié du film, où effectivement la fiction est démarrée et où on n'a davantage seulement à suivre les personnages et ce qui leur arrive. Bon, très bien. Alors, non, mais je suis très content de cette réponse, parce que c'était vraiment une question que je me posais. La deuxième question, parce que, bon, je trouve que je suis d'un tempérament double, hein, c'est-à-dire que je parle de moi en tant que spectateur, c'est-à-dire que quand on dit on détruit Paris, d'une certaine façon, il se trouve que je me promène beaucoup dans Paris aussi, et que moi, je m'étonne du contraire. C'est-à-dire que je m'étonne qu'il en reste tant, d'une certaine façon, à partir du moment où on le cherche. C'est-à-dire que les gens qui disent on détruit Paris, beaucoup de gens ne se promènent pas et ne voient pas que tout ce qui peut rester de Paris. Or, moi, ce qui me frappe dans votre film, c'est qu'il n'y a pas, il n'est pas évidemment mono-idéiste. Mais alors, ce qui est magnifique, c'est que c'est une autre idée de Paris qui apparaît. C'est-à-dire que c'est un Paris avec des horizons, avec des ciels, avec un fond qui est un fond relativement ouvert pour un film qui, en principe, est un film qui se referme, qui se referme sur ses victimes. Est-ce que c'est un hasard d'avoir eu un... Parce que finalement, il y a dans ces ciels, dans ces perspectives, quelque chose qui est comme de l'air, et finalement... Moi, je vois pas ce que je peux répondre à ça, si ce n'est que contrairement à François Truffaut, qui a en général la phobie du ciel dans ses cadrages, et qui aime bien tourner de façon très plongeante pour éviter le ciel qui, à son avis, est quelque chose d'inutile dans l'image, une sorte d'endroit de l'image qu'on ne contrôle pas et qui ne sert à rien. Enfin, je caricature sa pensée, ce qui d'ailleurs plastiquement donne des résultats superbes. Dans Deux Anglaises et le Continent, c'est la clé de tous les cadres du film, et ça donne un parti pris très fort plastiquement qui fait une des composantes de la beauté du film. Bon, pour ma part, moi, je n'ai aucune allergie donc à filmer les ciels, et sans vouloir me comparer à eux, j'ai toujours beaucoup aimé les films, les cadres de Ford ou d'Ovchenko Hawks, film déjà un peu moins. Hawks n'est pas un cinéaste de la contre-plongée. Est un cinéaste, comme tout le monde le sait, de l'œil, de la caméra à hauteur d'œil, et très rarement contre-plongé. Il y en a parfois, il y en a quelques-unes dans Red River, mais on peut penser que c'est davantage des fleurs qu'il a fait à son chef opérateur. Ça ne fait pas partie de l'esthétique profonde du film, tandis que dans Ford ou dans Dovzhenko, c'est fondamental. Bon, sans aller si loin qu'eux, il n'y a pas tellement non plus de contre-plongée systématique dans le Pont du Nord, mais quand on avait brusquement devant nous des grands ciels et qu'ils étaient intéressants, pourquoi ne pas les cadrer ? Bon alors, il y a quelqu'un à qui j'ai pensé, vous allez me dire si c'est complètement fou, c'est parce que quand on voit Fantomas, ou quand on voit tout ce que fait Feuillade dans Paris, on se dit que c'est un Paris à la fois quotidien et mystérieux. Or, le Paris du Pont du Nord est un Paris qui est complètement quotidien, puisqu'on a l'impression qu'on peut y accéder pour le prix d'un ticket de métro qui n'a rien ni de pittoresque, ni de populiste, enfin, aucun des qualificatifs habituels, et qu'en même temps, on est complètement devant l'inconnu. Devant l'inconnu uniquement parce que... On ne voit pas comment je peux répondre à ça. Parce qu'effectivement, il n'y a pas un seul plan de ce film qu'on ait tourné dans des endroits inabordables, à part la séquence du cimetière. Le cimetière, il est un peu caché, il faut le connaître. Mais tout le reste, ce sont des endroits où effectivement, n'importe qui peut aller en métro, et c'est ce que je faisais moi-même tous les matins. Et puis je retrouvais mon équipe au bistrot où on s'était donné rendez-vous, et puis on sortait notre caméra dans la rue, et puis filmé comme c'était. Enfin, je veux dire, on n'a jamais, à part le dragon, on n'a jamais fait la moindre mise en scène par rapport au décor qu'on avait devant nous et que pouvait voir n'importe quel piéton, n'importe quel passant. Oui, sauf que pour aller du 18e à l'étoile, les filles passent pratiquement par la Tour Eiffel. Enfin, il y a une géographie de Paris qui, quand on connaît un peu Paris, déconcerte totalement. Elles font des choses encore beaucoup plus aberrantes que ça. Mais non, je dis plan par plan. Vous éclatez le montage. La géographie de Paris, oui. Vous l'éclatez véritablement. Oui, c'est une chose qui m'amuse toujours beaucoup. J'avais déjà fait dans Céline et Julie pour Montmartre, enfin, puisque également l'itinéraire dans Montmartre de... Julie poursuivant Céline dans le premier quart d'heure du film est totalement aberrant, et volontairement. C'est comme du studio. Et je crois que c'est un aussi, bon, c'est toujours pour des raisons de commodité, des raisons pratiques, et c'est aussi parce que une des raisons qui m'ont donné envie de faire du cinéma, même la raison principale, je l'ai déjà dit plusieurs fois et je vais le répéter, c'est le film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête. Et non seulement le film, mais aussi parallèlement à la vision du film, au moment où il est sorti, la lecture du journal de La Belle et la Bête que Cocteau avait écrit au fur et à mesure du tournage et qui avait publié au moment de la sortie du film. Et cette lecture a été pour moi la chose qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma, tellement je me suis dit, ben voilà, effectivement, il a tout le temps des accidents, des pépins, et Dieu sait si le tournage de La Belle et la Bête était un tournage avec beaucoup d'accidents et de pépins, même très graves, mais en tout cas, ça a l'air d'être intéressant. Bien sûr, en plus, il y avait pour La Belle et la Bête un devis qu'effectivement, je n'ai jamais eu. Et ça, c'est une autre question. Et entre autres, dans ce journal, Cocteau parle à de nombreuses reprises de la façon dont il s'amuse à faire un parc, entre autres, de la bête, totalement imaginaire, en prenant des éléments dans le château de Raret, d'autres éléments ailleurs, et que même les éléments qu'il prend dans le parc de Raret, il les utilise en mettant côte à côte des choses qui sont totalement disjointes dans la réalité. Et c'est une réflexion qui me revient toujours quand je tourne en extérieur, et qui déjà s'était imposée à moi de façon tout à fait également pour des raisons matérielles quand on tournait La Religieuse. La Religieuse, c'est censé se passer dans deux couvents successifs, mais comme on n'avait trouvé aucun couvent en état de marche ou abandonné qui veuille bien nous accueillir à l'époque, on l'a fait dans 10 endroits différents tout autour d'Avignon, puisqu'on s'était réfugié là. Et les deux couvents sont faits avec des bouts pris à gauche et à droite. Et c'était très. Et pour moi, quand je vois le film, des choses qui me frappent le plus, c'est qu'à chaque fois que Anna Karina passe une porte, elle sort de sa cellule de Villeneuve, qu'on a tourné dans la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignons, pour passer dans un couloir qu'on a tourné dans les combles d'un château près du pont du Gard. Et ensuite, elle débouche dans un cloître qu'on a tourné dans Avignon même, dans l'hospice d'Avignon, etc., etc. Oui, à propos de Paris, pour ne pas en sortir, on peut dire aussi que Paris fait partie peut-être de l'école des cahiers, ou en tout cas de la tradition du cinéma français. Parce que quand même, ce qui frappe, c'est à quel point la Nouvelle Vague, et l'école des cahiers, est parisienne. Il y a vraiment la place Clichy de Truffaut, il y a le quartier autour de l'Étoile et le 17e de Romer. Il y a le Paris de Paris nous appartient, il y a le signe du lion avec cette traversée très très précise de Saint-Germain-des-Prés à la Seine et même la traversée générale de Paris par Romer. Et il y a Paris vu par, oui bien sûr, puisque vous étiez nombreux. Alors, est-ce que ça tient simplement au fait que le sentiment de Paris dans les années 60-70 a quelque chose de très fort, ou bien... Ça tient d'abord à des raisons purement matérielles. C'est que malheureusement, ça coûte beaucoup plus cher de tourner un film en province que de tourner un film à Paris, pour des raisons toutes bêtes, des défraiements qui sont dans un devis de film des choses prohibitives. Enfin, et que dès qu'on tourne un film en province, c'est du luxe de tourner en province. C'est donc déjà tourner à Paris, ça permet de faire des films moins chers. D'autre part, il y a le fait tout bête que soit François est parisien ni Romer, ni Jean-Luc, ni moi ne sommes parisiens de naissance, mais on est tous venus à Paris quand même aux environs de notre 20e année, et on y vit en gros depuis, donc c'est quand même la ville qu'on connaît le mieux. Et qu'on aime le mieux quand même, parce que je ne sais pas... C'est pas une question d'aimer ou pas aimer, c'est celle dans laquelle on vit, où on a des repères et des habitudes, et... On peut peut-être flairer des choses qu'on ne sentira pas de la même façon dans une ville étrangère. Et il y a enfin le fait que Paris est quand même, moins que New York pour les États-Unis, mais quand même, de façon assez frappante, Paris est un melting pot. Et Paris est quand même un rendez-vous de provinciaux. C'était déjà vrai au temps de Balzac et même avant, déjà dans les romans de Restif de la Bretonne. Et donc, toutes ces raisons-là conjuguées font que Paris est un bon vecteur de fiction. C'est ça. Ben moi, j'ai toujours pensé à un moment, c'est-à-dire, je venais d'arriver à Paris. J'étais arrivé depuis 2 ans à Paris. J'avais vu ce film qui était Une mauvaise rencontre d'Alexandre Astruc, avec cette réplique qui avait comme un sésame ouvre-toi pour moi, enfin, et qui est comme Paris était beau quand on le découvrait, qui est une réplique d'Alexandre Astruc dans ce film. C'est une phrase que je crois tous on pourrait dire de la même façon, enfin, que ce soit Jean-Luc, Romère. Pierre Donadieu. Moi, je reviens à cette question du Paris que vous filmez éclaté et qui m'a un petit peu dérangé au début du film parce que j'ai pas compris simplement pourquoi on passait d'un endroit à un autre sans qu'il y ait vraiment de rapport spatial. Et arrivé à la moitié du film, quand on découvre le principe du complot ou de ce qui se trame en face des deux filles, c'est-à-dire le principe du jeu de loi. Il n'y a pas de complot. Non, contrairement à ce que tout le monde dit, il n'y a pas un complot. C'est pas un complot, mais il y a quelque chose avec le jeu de loi qui se passe. Quelque chose de caché. Il y a un mystère et qui se passe dans Paris même, dans chaque quartier de Paris, avec à chaque fois un événement précis. Et moi, il m'a semblé que cette façon de filmer ce Paris étrange, c'était la fiction même du film finalement, qui était de transformer la réalité même du Paris qu'on connaît. Je suis d'accord avec le fait que le film, dès le premier plan, n'est pas un documentaire et ne se veut à aucun moment un documentaire. Dès le premier plan, c'est de la fiction tournée en extérieur, dans Paris, mais c'est de la fiction volontairement, comme tous les films que j'ai faits, je suppose que je ferai. Et puis, de toute façon, on ne sort pas de la fiction au cinéma. Je crois qu'il n'y a que de la fiction. Non, mais alors, justement, alors, il y a la fiction. Bon, il y a Paris. On peut parler aussi de l'enfance, quand même, avec vous, sans que vous ayez filmé d'enfant. Mais enfin, il y a quelque chose. Enfin, il y a un degré. Il semblerait qu'il y ait un degré enfantin de la fiction qui vous intéresse. Enfin, qui soit, peut-être le degré zéro de la fiction, peut-être l'invention, peut-être comme si c'était intéressant, si, avec la supposition que font les... Est-ce qu'il n'y a pas cette envie, de votre part, de vous laisser aller à quelque chose qui serait comme l'innocence de la fiction ? Je pense que c'est trop compliqué de répondre à ça. C'est trop... j'ai pas envie d'y répondre. Il se trouve que... Enfin, je me rappelle d'un interview de vous qui m'avait terriblement frappé. C'était dans les cahiers du cinéma, ça devait être à propos de L'amour fou, où vous expliquiez que vous vous asseyiez dans votre coin par rapport à des comédiens qui faisaient quelque chose que vous n'aviez pas voulu, que vous n'ayez pas écrit, que vous laissiez venir advenir sur le plateau, et que vous étiez assis sur votre chaise et dans un état de quasi-jubilation, de bonheur. Bon, alors, et ça, il semble bien que ce soit votre caractéristique depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire le refus du scénario, le refus de la religieuse, grosso modo. C'est-à-dire le refus de quelque chose de trop cadré, de trop écrit, de trop délibéré. Domaine dans lequel vous auriez probablement triomphé, ou vous seriez probablement imposé avec les années comme probablement un grand cinéaste commercial si vous l'aviez voulu. Mais ça, il semblerait que vous ayez eu trop de facilité pour le faire et qu'à un certain moment, vous l'aviez refusé. Ou alors, est-ce que c'est l'histoire qui l'a refusé pour vous ? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Vous avez vraiment envie qu'on parle de ça ? Moi, je peux pas. Non, j'ai pas envie de questions larges et générales comme d'accord. Ça. D'accord. De tous les personnages du film, il y a celui qui est le plus étrange, en tout cas pour moi, peut-être pas pour vous, c'est celui qu'interprète Pascal Augier, et qui est un personnage qui tombe du ciel. Et j'aimerais bien savoir pour vous d'où il vient, s'il vient du ciel ou s'il vient d'ailleurs. Je sais pas, moi, d'où il vient. Je sais pas du tout. Je sais pas, c'est un personnage sur lequel on s'est posé des questions, nous aussi. On a différentes hypothèses sur lui, une ou deux plus vraisemblables, mais c'est un personnage qui garde volontairement son mystère. Peut-être que son mystère, il est très vraisemblable que son mystère ne soit pas très mystérieux, contrairement à ce que disait Paulhan. Mais question il garde encore, en tout cas, son silence fait partie de lui, profondément. Si ce personnage disait plus de choses sur lui, d'une certaine façon, il cesserait d'exister. Et même, il y avait en fait une séquence qu'on avait tournée où, non pas du tout, il racontait pas du tout sa vie, loin de là, ça n'a jamais été son cas, mais quand même, il racontait quelque chose et je l'ai coupé au montage. Parce que ça n'avait rien à voir avec le reste. On va peut-être attendre que ça finisse. C'est joli, ce bruit. Ça fait tout à fait une allusion. Dans le plan du Nord, on en a tout le temps. Oui, non, on va le garder d'ailleurs. Alors, une curiosité quand même. Est-ce que le personnage était si physique dès le départ, c'est-à-dire physique que j'entends au sens karaté Oui. Ça a été justement le départ du personnage. Et qui a amené ça? C'est elle ou bien c'est... C'est Pascal, oui, bien sûr. On est parti du personnage de Bulle. Bulle a eu très vite l'envie de reprendre un personnage qui ne serait pas exactement celui qu'elle interprétait dans le film de Fassbinder, La Troisième Génération, mais comme, disons, un double de ce personnage, un sosie de ce personnage, une continuation éventuelle, un rêve de ce personnage qui aurait survécu et qui serait revenu en France. Et par rapport à ça, Pascal a eu assez vite... comme ça, des idées purement physiques et purement concrètes et purement plastiques sur la façon dont elle serait habillée, sur la façon dont elle bougerait, sur ses obsessions. Et on est parti là-dessus, sur son nom. Ça a été même la première chose pratiquement qu'elle ait dit, qu'elle voulait s'appeler Baptiste. Elle s'est expliquée sur Baptiste, non ? C'est par rapport à... Elle s'est expliquée, mais c'est entre elle et moi. Ah bon, d'accord, pardon. Ça n'a rigoureusement rien à voir avec notre fiction. Moi, j'étais persuadé, quand elle m'a dit qu'elle voulait s'appeler Baptiste, que c'était en référence aux Enfants du Paradis. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, pas du tout. Ce qui n'empêche pas qu'il y a dans le film plein de références aux Enfants du Paradis, qui sont venus parce qu'on était dans Paris, qui sont venus parce que le principe de quelques personnages qui font en quelque sorte des figures de ballet dans l'espace parisien, ça renvoie à Prévert, ça renvoie aux Enfants du Paradis, et ça renvoie encore plus aux Portes de la Nuit, bien sûr. Et du coup, j'ai eu envie de faire carrément dans le dialogue, il y a deux citations de Prévert dans le dialogue, dont une très évidente, qui est des Enfants du Paradis. Oui, Paris ne serait pas, c'est ça. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un si grand amour. Oui, qui a été répété deux fois dans Les Enfants, puisque c'est... Qui a été répété trois ou quatre fois dans Les Enfants du Paradis, et qui là est dit de façon, semble-t-il, un peu ironique par Max à Baptiste, qui d'ailleurs ne comprend pas du tout l'ironie. Bon alors, l'ironie ne fait pas partie de son caractère. Bon, alors, il y a une question qui se pose tout de même, qui est celle de la fin, parce que ça, c'est un des moments que je trouve absolument magnifique dans le film, et qui, d'ailleurs, fait tout basculer, c'est ça que je trouve aussi magnifique, c'est la façon dont, soudain, une scène change de registre, oui, enfin, et alors, moi, je voudrais savoir comment ça s'est passé, quand même, enfin, parce que je suis déjà chiffan de nous la raconter de son point de vue, mais j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour vous, quand c'est... Ça s'est passé, c'est toujours la même chose, les choses viennent pour des raisons purement matérielles et purement concrètes, et c'est finalement, la plupart du temps, c'est comme ça qu'on a une petite chance d'avoir un résultat intéressant, amusant, comme aurait dit Renoir. Et là, l'élément concret et matériel, c'est que bon, tout le film, enfin toute une partie du film, en tout cas tous les rapports entre le personnage de Pascal Augier et celui de Jean-François Stévenin, présageaient, faisaient pressentir au spectateur un affrontement. Ah, très violent. Entre les deux personnages. Très très violent. Bon, alors il y avait évidemment la solution de facilité qui était de refuser cet affrontement, et l'autre solution qui était celle de l'honnêteté, donc celle que nous avons choisie, au contraire de le filmer, et ça s'imposait comme une séquence finale. Mais très vite également, dès la première fois où on a parlé de ça entre nous, tout de suite Jean-François a dit qu'il était tout à fait d'accord avec cette idée d'un combat final entre Pascal et lui, entre Baptiste et Max, mais qu'entre lui, quasi ceinture noire de karaté, et Pascal qui prenait, en fait, pour le film, elle a commencé à prendre des leçons de karaté pour le film. Donc elle a fait deux mois d'entraînement dans les deux mois qui ont précédé le tournage, mais enfin, ça pouvait pas aller très loin, ça implique les gestes, les figures qu'elle fait, des mouvements, mais ça n'implique pas un combat, surtout par rapport à quelqu'un comme... Alors soit on faisait un combat truqué, ce qui aurait été ridicule, soit la solution, et c'est Jean-François qui nous l'a proposé et qu'on a adopté aussitôt parce qu'elle était évidente, c'était que justement il n'y ait pas un combat, mais une sorte de reconnaissance par Max de la fraîcheur de Baptiste, de sa spontanéité et en même temps de son inexpérience. Et à partir de ça, de s'amuser avec elle. Et ensuite, la scène, moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est uniquement... ça, c'est le seul moment vraiment improvisé du film. On l'a tourné très vite, parce que d'abord, on était en fin de journée. Ensuite, parce que c'est le genre de choses, soit c'est réussi à la première prise, soit ça l'est jamais. Surtout qu'en plus, comme on a fait, c'est un plan qui dure presque 3 minutes dans sa continuité, enfin, le grand plan principal... À la fin du plan, Pascal ne pouvait pas recommencer aussitôt une telle dépense physique. Enfin, il aurait fallu qu'elle récupère un quart d'heure, et un quart d'heure plus tard, on était en plein crépuscule. Et alors, en vous écoutant, Jacques Rivette, je me dis que tout de même, le concret, les circonstances, les choses matérielles ont bon dos. Mais en même temps, je ne peux que vous croire, dans la mesure où vous parlez de Renoir. Mais c'est ça, le cinéma. Le cinéma, c'est uniquement le concret, les choses matérielles, et tout le reste, c'est de l'imposture, j'aurais tendance à dire. Ce serait une exagération. C'est une des raisons pourquoi nous tous, on aime tellement tourner... en décor réel, c'est que les décors réels apportent des empêchements, des difficultés dans toutes les directions qui obligent à trouver des solutions. Des solutions, encore une fois, qui sont bonnes ou qui sont mauvaises, elles peuvent être mauvaises, mais ça oblige à inventer, ça oblige à inventer. Alors que le studio, il y a certainement aussi des contraintes du studio que j'aurais éventuellement, si on me donnait beaucoup d'argent, envie d'explorer. Mais justement, ça ne serait intéressant qu'avec des sommes énormes. Le studio, c'est intéressant si on l'utilise comme l'utilisait Ophuls, comme l'utilisait Murnau ou comme l'utilisaient tous ces metteurs en scène. Mais si on se sert du studio pour reconstituer des appartements et des chambres de bonne, ça me semble vraiment totalement dépourvu d'intérêt et avoir envie de faire un travail de fonctionnaire et non pas un travail de cinéaste. Pour illustrer ce que vous dites, il y a cette histoire qui est l'histoire qui illustre admirablement ce que vous dites. C'est les balayeurs ou le directeur du studio de Cocteau qui prenait ce Cocteau pour un fou littéralement et qui a donné l'ordre aux balayeurs de nettoyer le studio avant la fin du tournage. Ce qui a soulevé une poussière considérable. Et Cocteau allait protester au moment où Périnal l'a retenu par la manche en lui disant mais non, ne protestez pas. Regardez, ça fait dans les projecteurs, cette poussière fait une lumière absolument magnifique et qui en plus correspond absolument à ce que vous voulez dire. D'ailleurs, tout le tournage d'un poète a été complètement ce que vous dites. Comme le tournage de La Belle et la Bête, c'est justement ce qui est fascinant dans ce journal de La Belle et la Bête, c'est que Cocteau passe son temps à parler des accidents qui arrivent quotidiennement et de la façon dont il essaye de s'en servir. On sent à quel point Cocteau est présent dans tout ce que vous faites, vous personnellement, mais en même temps dans tout ce que font des cinéastes jeunes ou vieux aujourd'hui en France. C'est un des plus grands cinéastes français. On ne le dira jamais assez. Il a été toute sa vie méconnu, calomnié, vilipendé, ridiculisé par tout le monde et de tous les moyens. On s'aperçoit maintenant, ça fait bientôt 20 ans qu'il est mort, que Dieu sait s'il est encore là. Et je crois qu'il va être là de plus en plus et finalement dans presque tous les domaines. Il reste un des plus grands poètes du XXe siècle. Les trois romans qu'il a écrits sont les trois des plus beaux romans de la littérature française. Le théâtre, est sans doute une partie de son œuvre qui est un peu plus vieillie. Mais par contre, reparlons de cinéma. Les films, les 6 ou 7 films que Cocteau a tournés font partie des très grands films du cinéma français. Ce sont des films fondateurs dont effectivement des cinéastes très différents... Et ce qui m'a frappé, c'est que des cinéastes beaucoup plus jeunes, comme Benoît Jacquot, eux aussi sont sensibles, qui donc ont vu ces films avec 20 ans de recul. Nous, on les a vus, pas Le sang d'un poète, mais tous ceux à partir de La Belle et la Bête, on a été contemporains de ces films-là. Mais des cinéastes beaucoup plus jeunes, et qui les ont donc vus 20 ans plus tard, ont été sensibles de nouveau à leur modernité. Alors qu'à l'époque, on pouvait penser que c'était par rapport à la rupture énorme qu'ils étaient par rapport au reste du cinéma français que ces films étaient frappants. par rapport au fait qu'il défiait toutes les règles établies du découpage, du montage, de n'importe quoi, et que tout cet aspect-là aurait pu être émoussé par le fait que, justement, depuis plus de 20 ans, ce qu'on appelait le cinéma de la nouvelle vague, non seulement en France, mais dans le monde entier, a systématisé tout ce qui, à l'époque de Cocteau, passait pour des audaces. Or, il se trouve que, justement, comme toutes les grandes œuvres novatrices, les audaces ne sont pas seulement des audaces de surface, ce sont des audaces de... je ne veux pas dire de fond, parce que j'ai horreur de ce vocabulaire, ce sont des audaces fondamentales, ce sont des audaces de structure, ce sont des audaces de conception vraie, et qui font que les films de Cocteau, quand on les revoit dans des copies correctes, il y a toujours ce même problème. Dernière question, est-ce que vous avez un film en tête ou en projet ? Non. Merci Jacques Rivette. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 18 avril 1982. Vous pouvez la réécouter à volonté et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.